En Islande, chapitre 37. Copolican, marchez avec tant de précaution que la terre elle-même n'entende pas le bruit de vos pas. Redoublez de soin, mes amis. Si nous arrivons sans être entendus, je vous réponds de la victoire. Tucapel. La nuit a tout couvert de ses voiles. Une obscurité effrayante enveloppe la terre. Nous n'entendons aucune sentinelle, nous n'avons point aperçu d'espion. Ringo, avançons. Tucapel, qu'entends-je? Serions-nous découverts? Lope de Vega, la roque domptée. Dis-moi, Guldon Staper, mon vieux camarade, sais-tu que la bise du soir commence à me rabattre vigoureusement les poils de mon bonnet sur le visage? C'était Kennybol qui, détachant un moment son regard du géant qui marchait en tête des révoltés, s'était tourné à demi vers l'un des montagnards que le hasard d'une course désordonnée avait placé près de lui. Celui-ci secoua la tête et changea d'épaule la bannière qu'il portait, avec un grand soupir de lassitude. Je crois, notre capitaine, que dans ces maudites gorges du pilier noir, où le vent se précipite comme un torrent, nous n'aurons pas tout à fait aussi chaud cette nuit qu'une flamme qui danse sur la braise. Il faudra faire de tels feux que les vieilles chouettes en soient éveillées au haut des rochers, dans leur palais de ruines. Je n'aime pas les chouettes. Dans cette horrible nuit où j'ai vu la fée Upfemme, elle avait la forme d'une chouette. « Par Saint-Sylvestre !» interrompit Guldon Staper en détournant la tête. « L'ange du vent nous donne de furieux coups d'aile. Si l'on m'en croit, capitaine Kennybol, on mettra le feu à tous les sapins d'une montagne. D'ailleurs, ce sera une belle chose à voir qu'une armée se chauffant avec une forêt. À Dieu ne plaise, mon cher Guldon, et les chevreuils, et les gerfaux, et les faisans. Fais cuire le gibier, à merveille. » « Mais ne le fais pas brûler !» Le vieux Guldon se mit à rire. « Notre capitaine, tu es bien toujours le même démon Kennybol, le loup des chevreuils, l'ours des loups et le buffle des ours. »« Sommes-nous encore loin du pilier noir ?» demanda une voix parmi les chasseurs. « Compagnon, répondit Kennybol, nous entrerons dans les gorges à la nuit tombante. » Nous voici dans un instant aux quatre croix. » Il se fit un moment de silence, pendant lequel on n'entendit que le bruit multiplié des pas, le gémissement de la bise et le chant éloigné de la bande des forgerons du lac Smiassen. « Ami Guldon Staper, reprit Kennybol après avoir sifflé l'air du chasseur Roland, « tu viens de passer quelques jours à Drontheim ?»« Oui, notre capitaine. » Notre frère George Tepper, le pêcheur, était malade, et j'ai été le remplacer pendant quelque temps dans sa barque, afin que sa pauvre famille ne mourût pas de faim pendant qu'il serait mort de maladie. Et puisque tu arrives de Drontheim, as-tu eu occasion de voir ce comte, le prisonnier, Schumacher, Griffenlem, quel est son nom déjà? Cet homme, enfin, au nom duquel nous nous révoltons contre la tutelle royale. Et dont tu portes sans doute les armoiries brodées sur cette grande bannière couleur de feu. Elle est bien lourde, dit Guildon. Tu veux parler du prisonnier du château fort de Munkholm, le comte? Enfin, soit. Mais comment veux-tu, notre brave capitaine, que je l'ai vu? Il m'aurait fallu, ajouta-t-il en baissant la voix, les yeux de ce démon qui marche devant nous, sans pourtant laisser derrière lui l'odeur du soufre. De ce Handisland qui voit à travers les murs, ou l'anneau de la fée Mab qui passe par le trou des serrures. Il n'y a en ce moment parmi nous, j'en suis sûr, qu'un seul homme qui ait vu le comte, le prisonnier dont tu me parles. Un seul? Ah, le seigneur Hackett? Mais ce Hackett n'est plus parmi nous. Il nous a quittés cette nuit pour retourner. Ce n'est point le seigneur Hackett que je veux dire, notre capitaine. « Et qui donc ? Ce jeune homme au manteau vert, à la plume noire, qui est tombé au milieu de nous cette nuit ? Eh bien ? Eh bien, dit Guldon en se rapprochant de Kennybol. C'est celui-là qui connaît le comte, ce fameux comte, enfin, comme je te connais, notre capitaine Kennybol. Kennybol regarda Guldon, cligna de l'œil gauche en faisant claquer ses dents, et lui frappa sur l'épaule avec cette exclamation triomphale qui échappe à notre amour-propre quand nous sommes contents de notre pénétration. « Je m'en doutais !»« Oui, notre capitaine, » poursuivit Guldon Stepper en replaçant l'étendard couleur de feu sur l'épaule des lacets. « Je te proteste que le jeune homme vert a vu le comte. Je ne sais comment tu l'appelles. Celui, donc, pour qui nous allons nous battre dans le donjon même de Munkholm. Et qu'il ne paraissait pas attacher moins d'importance à entrer dans cette prison que toi ou moi à pénétrer dans un parc royal. » Mais comment sais-tu cela, notre frère Guldon ? Le vieux montagnard saisit le bras de Kennybol, puis, entr'ouvrant sa peau de loutre avec une précaution presque soupçonneuse, « Regarde !» lui dit-il. « Par mon très saint patron ! » s'écria Kennybol. « Cela brille comme du diamant !» C'était en effet une riche boucle de diamant qui attachait le grossier ceinturon de Guldon Stepper. « Et il est aussi vrai que c'est du diamant !» repartit celui-ci en laissant tomber le pan de sa casaque. « Qu'il est vrai que la lune est à 2 journées de marche de la terre, et que le cuir de mon ceinturon est du cuir de buffle mort !» Mais les traits de Kennybol s'étaient rembrunis, et avaient passé de l'étonnement à la sévérité. Il baissa les yeux vers la terre en disant avec une sorte de solennité sauvage « Guldon Stepper, du village de Scholzow, dans les montagnes de Col, ton père, Med Prat Stepper, est mort à 102 ans, sans avoir rien à se reprocher, car ce ne sont pas des forfaitures que de tuer par mégarde un daim ou un élan du roi. Guldon Stepper, tu as sur ta tête grise 57 bonnes années, ce qui n'est jeunesse que pour le hibou. Guldon Stepper, notre camarade, j'aimerais mieux pour toi que les diamants de cette boucle fussent des grains de mil, si tu ne l'as pas acquise légitimement, aussi légitimement que le faisan royal acquiert la balle de plomb du mousquet. » En prononçant cette singulière admonestation, il y avait dans l'accent du chef montagnard à la fois de la menace et de l'onction. « Aussi vrai que notre capitaine Kennybol est le plus hardi chasseur de col, » répondit Guldon sans s'émouvoir, « et que ces diamants sont des diamants, je les possède en légitime propriété. »« Vraiment ?» reprit Kennybol avec une inflexion de voix qui tenait le milieu entre la confiance et le doute. « Dieu et mon patron béni savent, » reprit Guldon, « que c'était un soir, au moment où je venais d'indiquer le Splatgest de Drontheim à des enfants de notre bonne mère la Norvège, qui apportaient le corps d'un officier trouvé sur les grèves d'Urktal. Il y a de ceci 8 jours environ. Un jeune homme s'avança vers ma barque. « À Munkholm, » me dit-il. « Je m'en souciais peu, notre capitaine. » Un oiseau ne vole pas volontiers autour d'une cage. Cependant, le jeune seigneur avait la mine haute et fière. Il était suivi d'un domestique qui menait 2 chevaux. Il avait sauté dans ma barque, d'un air d'autorité. Je pris mes rames, c'est-à-dire les rames de mon frère. C'était mon bon ange qui le voulait. En arrivant, le jeune passager, après avoir parlé au seigneur sergent, qui commandait sans doute le fort, m'a jeté pour paiement, et Dieu m'entend, notre capitaine. Oui, cette boucle de diamants que je viens de te montrer, et qui eût dû appartenir à mon frère Georges, et non à moi. Si, à l'heure où le voyageur, que le ciel assiste, m'a pris, la journée que je faisais pour Georges n'eût été finie. Cela est la vérité, capitaine Kennybol. Bien. Peu à peu, la physionomie du chef reprit autant de sérénité que son expression. naturellement sombre et dure, le lui permettait. Et il demanda à Guldon d'une voix radoucie « Et tu es sûr, notre vieux camarade, que ce jeune homme est le même qui est maintenant derrière nous avec ceux de Norbit ?»« Sûr, je n'oublierai pas entre mille visages le visage de celui qui a fait ma fortune. D'ailleurs, c'est le même manteau, la même plume noire. » « Je te crois, Guldon. » Et il est clair qu'il allait voir le fameux prisonnier, car si ce n'eût pas été pour quelque grand mystère, il n'eût point récompensé ainsi le batelier qui l'amenait. Et d'ailleurs, maintenant qu'il se retrouve avec nous, tu as raison. Et j'imagine, notre capitaine, que le jeune étranger est peut-être bien plus en crédit auprès du comte que nous allons délivrer que le seigneur Hackett, qui ne me semble bon sur mon arme qu'à miauler comme un chat sauvage. » Kennybol fit un signe de tête expressif. « Notre camarade, tu as dit ce que j'allais dire. Je serais, dans toute cette affaire, bien plus tenté d'obéir à ce jeune seigneur qu'à l'envoyer à quête. Que Saint-Sylvestre et Saint-Olaus me soient en aide. Si le démon islandais nous commande, je pense, camarade Guldon, que nous le devons beaucoup moins au corbeau bavard à quête qu'à cet inconnu. » « Vrai, notre capitaine ?» demanda Guldon. Kennybol ouvrait la bouche pour répondre quand il se sentit frappé sur l'épaule. C'était Norbit. « Kennybol, nous sommes trahis. Gormont Westroem vient du sud. Tous les régiments des arquebusiers marchent contre nous. Les Uhlans de Schleswig sont à Sparbo. Trois compagnies de dragons danois attendent des chevaux au village de Loewig. Tout le long de la route, il a vu autant de casaques vertes que de buissons. Hâtons-nous de gagner Skongen. Ne faisons point halte avant d'y être entrés. Là, du moins, nous pourrons nous défendre. Encore, Gormont croit-il avoir vu des mousquetons briller à travers les broussailles en longeant les gorges du pilier noir. » Le jeune chef était pâle, agité. Cependant, son regard et le son de sa voix annonçait encore l'audace et la résolution. « Impossible !» s'écria Kennybol. « Certain, certain !» dit Norbit. « Mais le seigneur Hackett est un traître ou un lâche, sois sûr de ce que je te dis, camarade Kennybol. Où est-il, ce Hackett ?» En ce moment, le vieux Jonas aborda les deux chefs. Au découragement profond empreint dans tous ses traits, il était facile de voir qu'il était instruit de la fatale nouvelle. Les regards des deux vieillards, Jonas et Kennybol, se rencontrèrent et tous deux se mirent à hocher la tête comme d'un mutuel accord. « Eh bien, Jonas ! Eh bien, Kennybol ! » dit Norbit. Cependant, le vieux chef des mineurs de Faroer avait passé lentement sa main sur son front ridé, et il répondait à voix basse au coup d'œil du vieux chef des montagnards de Col. « Oui, cela est trop vrai, cela est trop sûr. C'est Gormont Westroem qui les a vus. » « Si les choses est ainsi, dit Kennybol, que faire ?»« Que faire ?» répliqua Jonas. « J'estime, camarade Jonas, que nous agirions sagement de nous arrêter. » « Et plus sagement encore, notre frère Kennybol, de reculer !»« S'arrêter, reculer !» s'écria Norbit. « Il faut avancer !» Les deux vieillards tournèrent vers le jeune homme un regard froid et surpris. « Avancer ?» dit Kennybol. « Et les arquebusiers de Munkholm ?»« Et les Uhlans de Schleswig ?» ajouta Jonas. « Et les dragons danois ?» reprit Kennybol. Norbit frappa la terre du pied. Et la tutelle royale, et ma mère qui meurt de faim et de froid. Démon, la tutelle royale, dit le mineur Jonas avec une sorte de frémissement. Qu'importe, dit le montagnard Kennybol. Jonas prit Kennybol par la main. Notre compagnon, le chasseur, vous n'avez pas l'honneur d'être pupille de notre glorieux souverain Christian IV. Puisse le saint roi Olaus, qui est au ciel, nous délivrer de la tutelle. « Demande ce bienfait à ton sabre !» dit Norbit d'une voix farouche. « Les paroles hardies coûtent peu à un jeune homme, camarade Norbit, » répondit Kennyball. « Mais songez que si nous allons plus loin, toutes ces casaques vertes... Hein, »« Je songe que nous aurons beau rentrer dans nos montagnes comme des renards devant les loups. On connaît nos noms et notre révolte. Et mourir pour mourir, j'aime mieux la balle d'une arquebuse que la corde d'un gibet. » Jonas remua la tête de haut en bas en signe d'adhésion. « Diable, la tutelle pour nos frères, le gibet pour nous. Norbit pourrait bien avoir raison. »« Donne-moi la main, mon brave Norbit, » dit Kennyball. « Il y a danger des deux côtés. Il vaut mieux marcher droit au précipice qu'y tomber à reculons. »« Allons, allons donc !» s'écria le vieux Jonas en faisant sonner le pommeau de son sabre. Norbit leur serra vivement la main. « Frères, écoutez, soyez audacieux comme moi, je serai prudent comme vous. Ne nous arrêtons aujourd'hui qu'à Skongen. La garnison est faible et nous l'écraserons. Franchissons, puisqu'il le faut, les défilés du pilier noir, mais dans un profond silence. Il faut les traverser, quand même ils seraient surveillés par l'ennemi. » « Je crois que les arquebusiers ne sont pas encore au pont de Lordal, avant Skongen. Mais n'importe. Silence !»« Silence, soit !» répéta Kennyball. « Maintenant, Jonas, reprit Norbit, retournons tous deux à notre poste. Demain, peut-être, nous serons à Drontheim, malgré les arquebusiers, les hulans, les dragons et tous les justes au corps vert du midi. » Les trois chefs se quittèrent. Bientôt le mot d'ordre « silence » passa de rang en rang, et cette bande de rebelles, un moment auparavant si tumultueuse, ne fut plus, dans ces déserts rembrunis par les approches de la nuit, que comme une troupe de fantômes muets qui se promènent sans bruit dans les sentiers tortueux d'un cimetière. Cependant, la route qu'ils suivaient se rétrécissait de moment en moment, et semblait s'enfoncer par degrés entre deux remparts de rochers qui devenaient de plus en plus escarpés. À l'instant où la lune rougeâtre se leva, au milieu d'un amas froid de nuages qui déroulaient autour d'elle leur forme bizarre avec une mobilité fantastique, Kennyball s'inclina vers Guldon Stepper. « Nous allons entrer dans le défilé du pilier noir. Silence !» En effet, on entendait déjà le bruit du torrent qui suit entre les deux montagnes tous les détours du chemin, et l'on voyait au midi l'énorme pyramide oblongue de granit qu'on a nommée le pilier noir se dessiner sur le gris du ciel et sur la neige des montagnes environnantes. Tandis que l'horizon de l'ouest, chargé de brouillard, était borné par l'extrémité de la forêt du Sparbo et par un long amphithéâtre de rochers, étagé comme un escalier de géant. Les révoltés, contraints d'allonger leurs colonnes dans ces routes tortueuses, étranglées entre deux montagnes, continuèrent leur marche. Ils pénétrèrent dans ces gorges profondes, sans allumer de torches, sans pousser de clameurs. Le bruit même de leurs pas ne s'entendait point au milieu du fracas assourdissant des cascades et des rugissements d'un vent violent qui ployait les forêts druidiques et faisait tournoyer les nuées autour des pitons revêtus de glace et de neige. Perdus dans les sombres profondeurs du défilé, la lumière souvent voilée de la lune ne descendait pas jusqu'au fer de leurs piques, et les aigles blancs qui passaient par intervalles au-dessus de leur tête ne se doutaient pas qu'une aussi grande multitude d'hommes troublât en ce moment leur solitude. Une fois, le vieux Guldon Stepper toucha l'épaule de Kennyball de la crosse de sa carabine. « Capitaine, notre capitaine, je vois quelque chose reluire derrière cette touffe de houx et de genêts. » « Je le vois également, » répondit le chef montagnard. « C'est l'eau du torrent qui réfléchit les nuages. » Et l'on passa outre. Une autre fois, Guldon arrêta brusquement son chef par le bras. « Regarde, lui dit-il, ne sont-ce pas des mousquetons qui brillent là-haut dans l'ombre de ce rocher ? Kennyball secoua la tête. Puis, après un moment d'attention, « Rassure-toi, frère Guldon, c'est un rayon de la lune qui tombe sur un pic de glace. » Aucun sujet d'alarme ne se présenta plus autour d'eux, et les diverses bandes, paisiblement déroulées dans les sinuosités du défilé, oublièrent insensiblement tout ce que la position du lieu présentait de danger. Après 2 heures de marche, souvent pénible, au milieu des troncs d'arbres et des quartiers de granit dont le chemin était obstrué, l'avant-garde entra dans le montueux bouquet de sapins qui termine la gorge du pilier noir, et au-dessus duquel pendent de hauts rochers noirs et moussus. Guldon Stepper se rapprocha de Kennyball, affirmant qu'il se félicitait d'être enfin sur le point de sortir de ce maudit coupe-gorge, et qu'il fallait rendre grâce à Saint-Sylvestre de ce que le pilier noir ne leur avait pas été fatal. Kennyball se mit à rire, jurant qu'il n'avait jamais partagé cette erreur de vieille femme, car pour la plupart des hommes, quand le péril est passé, il n'a point existé. Et l'on cherche alors à prouver, par l'incrédulité que l'on montre, le courage qu'on n'aurait peut-être pas montré. En ce moment, deux petites lueurs rondes, pareilles à deux charbons ardents, qui se mouvaient dans l'épaisseur du taillis, appelèrent son attention. « Par le salut de mon âme !» dit-il à voix basse en secouant le bras de Guildon. « Voilà, certes, deux yeux de braise qui doivent appartenir au plus beau chapard qui ait jamais miaulé dans un hallier. » « Tu as raison, » répondit le vieux Stepper. Et s'il ne marchait pas devant nous, je croirais plutôt que ce sont les yeux maudits du démon dis... Chut ! Cria Kennyball. Puis, saisissant sa carabine. « En vérité, poursuivit-il, il ne sera pas dit qu'une aussi belle pièce aura passé impunément sous les yeux de Kennyball. » Le coup était parti, avant que Guldon Stepper, qui s'était jeté sur le bras de l'imprudent chasseur, eût pu l'arrêter. Ce ne fut pas la plainte aiguë d'un chat sauvage qui répondit à la bruyante détonation de la carabine. Ce fut un affreux grondement de tigre, suivi d'un éclat de rire humain, plus affreux encore. On n'entendit pas le retentissement du coup de feu se propager et mourir d'écho en écho dans les profondeurs des montagnes, car à peine la lumière de la carabine eut-elle brillé dans la nuit, à peine le bruit fatal de la poudre eut-il éclaté dans le silence, qu'un millier de voix formidables s'élevèrent, inattendues, sur les monts, dans les gorges, dans les forêts. Qu'un cri de « Vive le roi !» immense comme un tonnerre, roula sur la tête des rebelles, à leur côté, devant et derrière eux, et que la lueur meurtrière d'une mousqueterie terrible, éclatant de toutes parts, les frappant et les éclairant à la fois, leur fit voir, parmi les rouges tourbillons de fumée, un bataillon derrière chaque rocher et un soldat derrière chaque arbre. Chapitre 38. Aux armes, aux armes, capitaine! Le captif d'Ochali. Qu'on veuille bien recommencer avec nous la journée qui vient de s'écouler et se transporter à Skongen, où, tandis que les insurgés sortaient de la mine de plomb d'Apsilcorte, est entré le régiment des arquebusiers que nous avons vu en marche au 30e chapitre de cette très véridique narration. Après avoir donné quelques ordres pour le logement des soldats qu'il commandait, le baron Voetown, colonel des arquebusiers, allait franchir le seuil de l'hôtel qui lui était destiné près de la porte de la ville quand il sentit une main lourde se poser familièrement sur son épaule. Il se retourna. C'était un homme de petite taille, dont un grand chapeau d'osier qui couvrait ses traits ne laissait apercevoir que la barbe rousse et touffue. Il était soigneusement enveloppé des plis d'une espèce de manteau de bure grise qui, à un reste de capuchon qu'on y voyait pendre, paraissait avoir été une robe d'ermite et ne laissait apercevoir que ses mains cachée sous de gros gants. « Brave homme !» demanda brusquement le colonel. « Que diable me voulez-vous ?»« Colonel des arquebusiers de Munkholm, » répondit l'homme avec une expression bizarre. « Suis-moi un instant, j'ai un avis à te donner. » À cette étrange invitation, le baron resta un moment surpris et muet. « Un avis important, colonel !» répéta l'homme aux gros gants. Cette insistance détermina le baron Voetaon. Dans le moment de crise où se trouvait la province, et avec la mission qu'il remplissait, aucun renseignement n'était à dédaigner. « Allons, » dit-il. Le petit homme marcha devant lui, et dès qu'ils furent hors de la ville, il s'arrêta. « Colonel, as-tu bonne envie d'exterminer d'un seul coup tous les révoltés ?» Le colonel se prit à rire. « Mais ce ne serait point mal commencer la campagne !»« Eh bien, fais placer dès aujourd'hui en embuscade tous tes soldats dans les gorges du Pilier Noir, à 2 milles de cette ville. Les bandits camperont cette nuit. Au premier feu que tu verras briller, fonce sur eux avec les tiens. La victoire sera aisée. » « Brave homme, la vie est bon, et je vous en remercie. Mais comment savez-vous ce que vous me dites ?»« Si tu me connaissais, colonel, tu me demanderais plutôt comment il se pourrait faire que je ne le susse point. » « Qui donc êtes-vous ? » L'homme frappa du pied. « Je ne suis point venu ici pour te dire cela. » « Ne craignez rien, qui que vous soyez, le service que vous rendez sera votre sauvegarde. Peut-être étiez-vous du nombre des rebelles ?»« J'ai refusé d'en être. » « Alors pourquoi taire votre nom, puisque vous êtes un fidèle sujet du roi ?»« Que t'importe ?» Le colonel voulut tirer encore quelques éclaircissements de ce singulier donneur d'avis. « Dites-moi, est-il vrai que les brigands soient commandés par le fameux Andislande ?»« Andislande ? » répéta le petit homme avec une inflexion de voix extraordinaire. Le baron recommença sa question. Un éclat de rire, qui eût pu passer pour un rugissement, fut toute la réponse qu'il put obtenir. Il essaya plusieurs autres questions sur le nombre et les chefs des mineurs. Le petit homme lui ferma la bouche. « Colonel des arquebusiers de Munkholm, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Embusque-toi, dès aujourd'hui, dans le défilé du Pilier Noir, avec ton régiment entier, et tu pourras écraser tout ce troupeau d'hommes. »« Vous ne voulez pas me dévoiler qui vous êtes ?» Ainsi, vous vous privez de la reconnaissance du roi. Mais il n'en est pas moins juste que le baron Voetaon vous témoigne sa gratitude du service que vous lui rendez. » Le colonel jeta sa bourse au pied du petit homme. « Garde ton or, colonel, » dit celui-ci. « Je n'en ai pas besoin. » Et, ajouta-t-il en montrant un gros sac suspendu à sa ceinture de corde, « s'il te fallait un salaire pour tuer ces hommes, j'aurais encore, colonel, de l'or à te donner en paiement de leur sang. » Avant que le colonel fût revenu de l'étonnement où l'avaient jeté les inexplicables paroles de cet être mystérieux, il avait disparu. Le baron Voetaon retourna lentement sur ses pas, en se demandant ce qu'on devait ajouter de foi aux avis de cet homme. Au moment où il rentrait dans son hôtel, on lui remit une lettre scellée des armes du grand chancelier. C'était en effet un message du comte Alefeld, où le colonel retrouva, avec une surprise facile à concevoir, le même avis et le même conseil que venait de lui donner aux portes de la ville l'incompréhensible personnage au chapeau d'osier et aux gros gants. Chapitre 39. Cent bannières flottaient sur les têtes des braves. Des ruisseaux de sang coulaient de toutes parts, et la mort paraissait préférable à la fuite. Un barde saxon aurait appelé cette nuit la fête des épées. Le cri des aigles fondant sur leur proie Ce bruit de guerre aurait été plus flatteur à son oreille que les chants joyeux d'un festin de noces. Walter Scott, Ivanhoé. On n'entreprendra pas de décrire ici l'épouvantable confusion qui rompit les colonnes déjà désordonnées des rebelles, quand le fatal défilé leur montra soudain toutes ces cimes hérissées, tous ces antres peuplés d'ennemis inattendus. Il eût été difficile de distinguer si le long cri, formé de mille cris, qui s'échappa de leur rang ainsi inopinément foudroyé, était un cri de désespoir, d'épouvante ou de rage. Le feu terrible que vomissaient sur eux de toutes parts les pelotons démasqués des troupes royales s'accroissait de moment en moment. Et, avant qu'ils fût parti de leur ligne, un autre coup de mousquet que le funeste coup de Kennybol, ils ne voyaient déjà plus autour d'eux qu'un nuage étouffant de fumée embrasée à travers lequel volait aveuglément la mort, où chacun d'eux, isolé, ne reconnaissait que soi-même et distinguait à peine de loin les arquebusiers, les dragons, les hulans, qui se montraient confusément au front des rochers et sur la lisière des taillis, comme des diables dans une fournaise. Toutes ces bandes, ainsi éparses dans une longueur d'environ 1 mille, sur un chemin étroit et tortueux, bordé d'un côté d'un torrent profond, de l'autre d'une muraille de rochers, ce qui leur ôtait toute facilité de se replier sur elles-mêmes, ressemblait à ce serpent que l'on brise en le frappant sur le dos lorsqu'il a déroulé tous ses anneaux et dont les tronçons vivants se roulent longtemps dans leur écume, cherchant encore à se réunir. Quand la première surprise fut passée, le même désespoir parut animer, comme une âme commune, tous ces hommes naturellement farouches et intrépides. Furieux de se voir ainsi écrasé sans défense, cette foule de brigands poussa une clameur comme un seul corps. Une clameur qui couvrit un moment tout le bruit des ennemis triomphants. Et quand ceux-ci les virent sans chef, sans ordre, presque sans armes, gravir sous un feu terrible des rochers à pic, s'attacher des dents et des poings à des ronces au-dessus des précipices, en agitant des marteaux et des fourches de fer, ces soldats si bien armés, si bien rangés, si sûrement postés, et qui n'avaient pas encore perdu un seul des leurs, ne purent se défendre d'un mouvement d'effroi involontaire. Il y eut plusieurs fois de ces barbares qui parvinrent, tantôt sur des ponts de mort, tantôt en s'élevant sur les épaules de leurs camarades, appliqués aux pentes des rocs comme des échelles vivantes, jusqu'au sommet occupé par les assaillants. Mais à peine avaient-ils crié « Liberté !» à peine avaient-ils élevé leur hache ou leur massue noueuse, à peine avaient-ils montré leur noir visage tout écumant d'une rage convulsive, qu'ils étaient précipités dans l'abîme, entraînant avec eux ceux de leurs hasardeux compagnons qu'ils rencontraient dans leur chute, suspendus à quelques buissons ou embrassant quelques pointes de roche. Les efforts de ces infortunés pour fuir et pour se défendre étaient vains. Toutes les issues du défilé étaient fermées. Tous les points accessibles étaient hérissés de soldats. La plupart de ces malheureux rebelles expiraient en mordant le sable de la route après avoir brisé leur bisaigu ou leur coutelas sur quelque éclat de granit. Quelques-uns, croisant les bras, l'œil fixé à terre, s'asseyaient sur des pierres au bord du chemin. Et là, ils attendaient, en silence et immobiles, qu'une balle les jeta dans le torrent. Ceux d'entre eux que la prévoyance de Hackett avait armés de mauvaises arquebuses dirigeaient au hasard quelques coups perdus vers la crête des rochers, vers l'ouverture des cavernes, d'où tombaient sans cesse sur eux de nouvelles pluies de balles. Une rumeur tumultueuse où l'on distinguait les cris furieux des chefs et les commandements tranquilles des officiers se mêlait incessamment au fracas intermittent et fréquent des décharges, tandis qu'une sanglante vapeur montait et fuyait au-dessus du lieu de carnage, jetant au front des montagnes de grandes lueurs tremblantes, et que le torrent, blanchi d'écume, passait comme un ennemi entre ces deux troupes d'hommes ennemis, emportant avec lui sa proie de cadavres. Mais, dès les premiers moments de l'action, ou plutôt de la boucherie, c'étaient les montagnards de Col, commandés par le brave et imprudent Kennibol, qui avaient le plus souffert. On se souvient qu'ils formaient l'avant-garde de l'armée rebelle et qu'ils étaient engagés dans le bois de pin qui termine le défilé. À peine le malencontreux Kennibol eut-il armé son arquebuse que ce bois, peuplé soudain, en quelque sorte par magie, de tirailleurs ennemis, les enferma d'un cercle de feu. Tandis que, du sommet d'une hauteur en esplanade dominée par quelques grandes roches penchées, un bataillon entier du régiment de Munkholm, formé en équerre, les foudroyait sans relâche d'une mousqueterie épouvantable. Dans cette horrible crise, Kennibol, éperdu, jeta les yeux vers le mystérieux géant, n'attendait plus de salut que d'un pouvoir surhumain, tel que celui de Handisland. Mais il ne vit point le formidable démon déployer soudain deux ailes immenses et s'élever au-dessus des combattants en vomissant des flammes et des foudres sur les arquebusiers. Il ne le vit point grandir tout à coup jusqu'au nuage et renverser une montagne sur les assaillants, ou frapper du pied la terre et ouvrir un abîme sous le bataillon embusqué. Ce formidable Handisland recula, comme lui, dès la première bordée d'arquebusade, et vint à lui d'un visage presque troublé, demandant une carabine. « Attendu, disait-il, avec une voix assez ordinaire, qu'en un pareil moment, sa hache lui était aussi inutile que la quenouille d'une vieille femme. » Kennibol, étonné, mais toujours aussi crédule, remit son propre mousqueton au géant avec un effroi qui lui faisait presque oublier la crainte des balles qui pleuvaient autour de lui. Espérant toujours un prodige, il s'attendit encore à voir son arme fatale devenir, entre les mains de Handisland, aussi grosse qu'un canon, ou se métamorphoser en un dragon ailé lançant du feu par les yeux, la gueule et les narines. Il n'en fut rien. Et l'étonnement du pauvre chasseur fut au comble quand il vit le démon charger comme lui la carabine de poudre et de plomb ordinaire, la mettre en joue à sa manière et lâcher tout simplement son coup, sans même ajuster aussi bien que lui, Kennibol, aurait pu le faire. Il le regarda, avec une morne stupeur, répéter cette opération toute machinale plusieurs fois de suite. Et, convaincu enfin qu'il fallait renoncer à un miracle, il songea à tirer ses compagnons, et lui-même, du mauvais pas où il se trouvait, par quelque moyen humain. Déjà son pauvre vieux camarade Guldon Stepper était tombé à ses côtés, criblé de blessures. Déjà tous les montagnards, épouvantés et ne pouvant fuir, cernés de toutes parts, se serraient les uns contre les autres, sans songer à se défendre, avec de lamentables clameurs. Kennibol comprit et vit combien cet amas d'hommes donnait de sûreté aux coups de l'ennemi, dont chaque décharge lui enlevait une vingtaine des siens. Il ordonna à ses malheureux compagnons de s'éparpiller, de se jeter dans les taillis qui longent le chemin, beaucoup plus large en cet endroit que dans le reste de la gorge du pilier noir, de se cacher sous les broussailles et de riposter de leur mieux au feu de plus en plus meurtrier des tirailleurs et du bataillon. Les montagnards, pour la plupart bien armés, parce qu'ils étaient tous chasseurs, exécutèrent l'ordre de leur chef avec une soumission qu'il n'eût peut-être pas obtenue dans un moment moins critique. Car, en face du danger, les hommes en général perdent la tête, et alors ils obéissent assez volontiers à celui qui se charge d'avoir du sang-froid et de la présence d'esprit pour tous. Cette mesure sage était loin cependant d'être la victoire, ou seulement le salut. il y avait déjà plus de montagnards étendus hors de combat qu'il n'en restait debout. Et malgré l'exemple et les encouragements de leur chef et du géant, plusieurs d'entre eux, s'appuyant sur leurs mousquets inutiles ou s'étendant auprès des blessés, avaient pris obstinément le parti de recevoir la mort sans avoir la peine de la donner. On s'étonnera peut-être que ces hommes, accoutumés tous les jours à braver la mort, en courant de glaciers en glaciers à la poursuite des bêtes féroces, eussent sitôt perdu courage. Mais qu'on ne s'y trompe pas, dans les cœurs vulgaires, le courage est local. On peut rire devant la mitraille et trembler dans les ténèbres ou au bord d'un précipice. On peut affronter chaque jour les animaux farouches, franchir des abîmes d'un bond et fuir devant une décharge d'artillerie. Il arrive souvent que l'intrépidité n'est qu'habitude et que, pour avoir cessé de craindre la mort sous telle ou telle forme, on ne l'en redoute pas moins. Kennibol, entouré des monceaux de ses frères expirants, commençait lui-même à désespérer, quoiqu'il n'eût encore reçu qu'une légère atteinte au bras gauche et qu'il vit le diabolique géant continuer son office de mousquetaire avec l'impassibilité la plus rassurante. Tout à coup, il aperçut, dans le fatal bataillon rangé sur la hauteur, se manifester une confusion extraordinaire et qui ne pouvait être certainement causée par le peu de dommages que lui faisait éprouver le très faible feu de ces montagnards. Il entendit d'affreux cris de détresse, des imprécations de mourants, des paroles d'épouvante s'élever de ce peloton victorieux. Bientôt la mousqueterie se ralentit, la fumée s'éclaircit, et il put voir distinctement d'énormes quartiers de granit tomber sur les arquebusiers de Munkholm du haut de la roche élevée qui dominait le plateau où ils étaient en bataille. Ces éclats de roc se suivaient dans leur chute avec une horrible rapidité. On les entendait se briser à grand bruit les uns sur les autres et rebondir parmi les soldats, qui, rompant leur ligne, se hâtaient de descendre en désordre de la hauteur et fuyaient dans toutes les directions. À ce secours inattendu, Kennibol tourna la tête. Le géant était pourtant encore là. Le montagnard resta interdit, car il avait pensé que Andisland avait enfin pris son vol et s'était placé au haut de ce rocher d'où il écrasait l'ennemi. Il éleva les yeux vers le sommet d'où tombaient les formidables masses et ne vit rien. Il ne pouvait donc supposer qu'une partie des rebelles était parvenue à ce redoutable poste, puisqu'on ne voyait point briller d'armes, puisqu'on n'entendait point de cris de triomphe. Cependant, le feu du plateau avait entièrement cessé. L'épaisseur des arbres cachait les débris du bataillon qui se ralliait sans doute au bas de la hauteur. La mousqueterie des tirailleurs était même devenue moins vive. Kennibol, en chef habile, profita de cet avantage bien inespéré. Il ranima ses compagnons et leur montra, à la sombre lueur qui rougissait toute cette scène de carnage, le monceau de cadavres entassés sur l'esplanade parmi les quartiers de roc qui continuaient de tomber, d'intervalle en intervalle. Alors, les montagnards répondirent à leur tour par des clameurs de victoire aux gémissements de leurs ennemis. Ils se formèrent en colonne et, bien que toujours incommodés par les tirailleurs épars dans les halliers, ils résolurent, pleins comme d'un courage nouveau, de sortir de vive force de ce funeste défilé. La colonne ainsi formée allait s'ébranler. Déjà, Kennibol donnait le signal avec sa trompe au bruit des acclamations « Liberté, liberté, plus de tutelle !» Quand le son du tambour et du cor, sonnant la charge, se fit entendre devant eux. Puis, le reste du bataillon de l'esplanade, grossi de quelques renforts de soldats frais, déboucha à portée de carabine d'un tournant de la route, et montra aux montagnards un front hérissé de pics et de baïonnettes, soutenu de rangs nombreux, dont l'œil ne pouvait sonder la profondeur. Arrivé ainsi à l'improviste en vue de la colonne de Kennyball, le bataillon fit halte, et celui qui paraissait le commander agita une petite bannière blanche en s'avançant vers les montagnards, escorté d'une trompette. L'apparition imprévue de cette troupe n'avait point déconcerté Kennyball. Il y a un point dans le sentiment du danger où la surprise et la crainte sont impossibles. Au premier bruit du cor et du tambour, le vieux renard de col avait arrêté ses compagnons. Au moment où le front du bataillon se déploya en bon ordre, il fit charger toutes les carabines et disposa ses montagnards deux par deux, afin de présenter moins de surface aux décharges de l'ennemi. Il se plaça lui-même en tête, à côté du géant, avec lequel, dans la chaleur de l'action, il commençait presque à se familiariser, ayant osé remarquer que ses yeux n'étaient pas précisément aussi flamboyants que la fournaise d'une forge, et que les prétendues griffes de ses mains ne s'éloignaient pas autant qu'on le disait de la forme des ongles humains. Quand il vit le commandant des arquebusiers royaux s'avancer ainsi, comme pour capituler, et le feu des tirailleurs s'éteindre tout à fait, bien que leurs cris d'appel, qui retentissaient de toutes parts, décelassent encore leur présence dans les bois, il suspendit un instant ses préparatifs de défense. Cependant, l'officier à la bannière blanche était parvenu au milieu de l'espace qui divisait les deux colonnes. Il s'arrêta, et le trompette qui l'accompagnait sonna trois fois la sommation. Alors l'officier cria d'une voix forte, que les montagnards entendirent distinctement, malgré le fracas toujours croissant dont le combat remplissait derrière eux les gorges de la montagne. « Au nom du roi, la grâce du roi est accordée à ceux des rebelles qui mettront bas les armes et livreront leur chef à la souveraine justice de sa majesté. » Le parlementaire avait à peine prononcé ces paroles qu'un coup de feu partit d'un taillis voisin. L'officier frappé chancela. Il fit quelques pas en élevant sa bannière et tomba en s'écriant « Trahison !» Nul ne sut de quelle main venait le coup fatal. « Trahison ! Lâcheté !» répéta le bataillon des arquebusiers avec des frémissements de rage. Et une effroyable salve de mousqueterie foudroya les montagnards. « Trahison !» reprirent à leur tour les montagnards, furieux de voir leurs frères tomber à leur côté. Et une décharge générale répondit à la bordée inattendue des soldats royaux. « Sur eux, camarades ! Mort à ces lâches ! Mort !» crièrent les officiers des arquebusiers. « Mort ! Mort !» répétèrent les montagnards. Et les combattants des deux parties s'élancèrent, les sabres nus, et les deux colonnes se rencontrèrent, presque sur le corps du malheureux officier, avec un horrible bruit d'armes et de clameurs. Les rangs enfoncés se mêlèrent, chefs rebelles, officiers royaux, soldats, montagnards, tous, pêle-mêle, se heurtèrent, se saisirent, s'étreignirent, comme deux troupeaux de tigres affamés qui se joignent dans un désert. Les longues piques, les baïonnettes, les pertuisanes étaient devenues inutiles. Les sabres et les haches brillaient seuls au-dessus des têtes. Et beaucoup de combattants, luttant corps à corps, ne pouvaient même plus employer d'autres armes que le poignard ou les dents. Une égale fureur, une pareille indignation animaient les montagnards et les arquebusiers. Le même cri « Trahison, vengeance !» était vomi par toutes les bouches. La mêlée en était arrivée à ce point où la férocité entre dans tous les cœurs, où l'on préfère à sa vie la mort d'un ennemi que l'on ne connaît pas, où l'on marche avec indifférence sur des amas de blessés et de cadavres, parmi lesquels le mourant se réveille, pour combattre encore de sa morsure celui qui le foule aux pieds. C'est dans ce moment qu'un petit homme, que plusieurs combattants, à travers les fumées et les vapeurs du sang, prirent d'abord, à son vêtement de peau de bête, pour un animal sauvage, se jeta au milieu du carnage, avec d'horribles rires et des hurlements de joie. Nul ne savait d'où il venait, ni pour quelle partie il combattait, car sa hache de pierre ne choisissait pas ses victimes et fendait également le crâne d'un rebelle et le ventre d'un soldat. Il paraissait néanmoins massacrer plus volontiers les arquebusiers de Munkholm. Tout s'écartait devant lui. Il courait dans la mêlée comme un esprit, et sa hache sanglante tournoyait sans cesse autour de lui, faisant jaillir de tous côtés des lambeaux de chair, des membres rompus, des ossements fracassés. Il criait « Vengeance !» comme tous les autres, et prononçait des paroles bizarres, parmi lesquelles le nom de Gilles revenait souvent. Ce formidable inconnu était dans le carnage comme dans une fête. Un montagnard, sur lequel son regard meurtrier s'était arrêté, vint tomber aux pieds du géant, dans lequel Kennibol avait placé tant d'espérances déçues, en criant « En Islande, sauve-moi !»« En Islande ?» répéta le petit homme. Il s'avança vers le géant. « Est-ce que tu es en Islande ?» dit-il. Le géant, pour réponse, leva sa hache de fer. Le petit homme recula, et le tranchant dans sa chute, s'enfonça dans le crâne même du malheureux qui implorait le secours du géant. L'inconnu se mit à rire. « Oh, oh, par Ingolf, je croyais en Islande plus adroit. C'est ainsi que en Islande sauve qui l'implore, » dit le géant. « Tu as raison. » Les deux formidables champions s'attaquèrent avec rage. La hache de fer et la hache de pierre se rencontrèrent. Elles se heurtèrent si violemment que les deux tranchants volèrent en éclats avec mille étincelles. Plus prompte que la pensée, le petit homme désarmé saisit une lourde massue de bois laissée à terre par un mourant. Et, évitant le géant qui se courbait pour le saisir entre ses bras, il asséna à main jointe un coup furieux de massue sur le large front de son colossal adversaire. Le géant poussa un cri étouffé et tomba. Le petit homme, triomphant, le foula aux pieds en écumant de joie. « Tu portais un nom trop lourd pour toi, » dit-il. Et, agitant sa massue victorieuse, il alla chercher d'autres victimes. Le géant n'était pas mort. La violence du coup l'avait étourdi, et il était tombé presque sans vie. Il commençait à rouvrir les yeux et à faire quelques faibles mouvements, lorsqu'un arquebusier l'aperçut dans le tumulte et se jeta sur lui en criant « En Islande est pris, victoire !»« En Islande est pris !» répétèrent toutes les voix avec des accents de triomphe ou de détresse. Le petit homme avait disparu. Il y avait déjà quelque temps que les montagnards se sentaient succomber sous le nombre, car aux arquebusiers de Munkholm s'étaient joints les tirailleurs de la forêt et des détachements de Uhlans et de dragons démontés qui arrivaient de moment en moment de l'intérieur des gorges où la reddition des principaux chefs rebelles avait arrêté le carnage. Le brave Kennibol, blessé au commencement de l'action, avait été fait prisonnier. La capture de en Islande acheva d'abattre tout le reste du courage des montagnards. Ils mirent bas les armes. Quand les premières blancheurs de l'aube éclairèrent la cime aiguë des hauts glaciers, encore à demi submergés dans l'ombre, il n'y avait plus dans les défilés du pilier noir qu'un morne repos, qu'un affreux silence, parfois entremêlé de faibles plaintes, dont se jouait le vent léger du matin. De noires nuées de corbeaux accouraient vers ces fatales gorges de tous les points du ciel. Et quelques pauvres chevriers, ayant passé pendant le crépuscule sur la lisière des rochers, revinrent effrayés dans leur cabane, affirmant qu'ils avaient vu, dans le défilé du pilier noir, une bête à face humaine qui buvait du sang, assise sur des monceaux de morts.